Faut que j'écrive, même sans l'envie, même sous l'hypnose, faut que j'écrive un mode de vie, une rime, un rap, un slam, une prose. Yo, ça va ou quoi? Bah ouais, tranquille toi. Tu fais quoi? Ah, l'écriture. Ah, putain, faut que j'écrive tout le temps. Bah yo, passe au studio après, mais. Ouais, mais bon, là, pour l'instant, j'étais concentré, tu sais, faut que j'écrive, tu sais, faut pas que j'arrête. J'active, faut pas que je paresse. Mon album, faut qu'il sorte, faut pas juste qu'il paraisse. Faut que j'écrive, c'est bon, j'ai compris, faut que je m'y mette. Faut que j'enquête, faut que j'encaisse, faut que ça pète. Et pour ça, je sais, faut que j'écrive. Ma feuille, faut que je la caresse. Faut que j'y pense, faut que je change, ou au mieux, faut que je reste pareil. Faut que j'écrive, faut que je me force, je me fasse guerre, polulaire. Polluliste en restant populaire. Faut que j'écrive, faut que je transcrive. Décrive mes dérives, mes délires, mes rires, sous-entendus donc mes sourires. Faut que j'écrive mes pensées, cadencées, balancées. T'as donc qu'à danser sur ce débalancé, dans ce bal lancé par des cadences. Hey, faut que j'écrive, vu que j'ai que ça. Hey yo, check ça, faut que je dessine mon futur, composé de mots et de passés, composé sur des sons dépassés, dépourvus d'indicatifs dépravés. Ces moments imparfaits qui tracent ma conscience subjective au présent, oppressant. Faut que j'écrive même sans l'envie, même sous l'hypnose. Un mode de vie, une rime, un rap, un slam, une prose. Au nom de mon nom ou au nom de mon offense, qu'on enfonce dans mon enfance. Comme mes pleurs qui meurent pour plaire à mes pères perdus. Pleurs durent des heures, bien sûr, sur un air de peur. Seul dans un dur désert, seul, mais tellement fier. Faut que j'écrive le ciel, la terre, l'air, la mer. Avec un E, par respect, ce sera sans vous et sans eux. Faut que j'écrive, faut le faire. Comme pour avoir l'or, faut le faire. Comme pour être deux, faut le frère. Faut que je sache et pour ça faut le croire. Sérieux cette fois, faut pas que ça foire. Faut que j'écrive l'espoir d'une danse, d'une écoute. La goutte d'eau d'une chance ou d'un doute. Ils sont ni durs, ni doux, ni mous, ni mûrs. Ressens les mots que je te murmure. Faut que j'écrive que sous l'effet de l'air. Je me défense trop sous, je me dépense. Que je me saoule d'aine et d'eau propre. Faut que j'écrive des mots d'amour et d'eau sale, chair de poule et frissons dorsal. Tu sais, moi je me réveille propre même quand je dors sale. Faut que j'écrive la friction, la fraction d'une seconde, la fiction, l'attraction du charme de la Joconde. Faut que j'écrive, même sans l'envie, même dans l'ennui, même sous l'hypnose. Faut que j'écrive un mode de vie, une rime, un rap, un slam, une prose. Faut que je prenne une pause.